Un soir que j'étais seulette, seulette dans ma chambrette, il est venu vers les minuit, mon favori. Là nous avons passé la nuit, toute la nuit, toute la nuit. Là nous avons passé la nuit, toute la nuit, toute la nuit. Au moment où l'amour nous transporte, pan pan, on frappe à la porte. C'est le compère Lustucru. Nous sommes perdus, nous sommes vendus. Mon Dieu, que je voudrais être morte. Cache-toi dans ce cabinet et sois secret, et sois secret. Car je crains ce maudit claquet de perroquet, de perroquet. Car je crains ce maudit claquet de perroquet, de perroquet. Ma femme, vous avez l'air en colère, vous avez l'air tout effarouché. N'est-il pas venu quelqu'un ici? Le perroquet dit, mon maître, oui, oui. Il est là-haut dans la chambrette, et j'entends des faire d'en bas, des ha-ha-ha, des tralala. Et le coquin qui a fait ça est encore là, est encore là. Et le coquin qui a fait ça est encore là, est encore là. Mon mari, fort en colère, sur moi venge sa colère. Il me joua du rigodon à coups de bâton, à coups de bâton. Le perroquet, pour mieux lui plaire, disait au bon maître Isidore, frappez donc plus fort, maudit perroquet, tu as tort. Quand seras-tu mort, quand seras-tu mort? Maudit perroquet, tu as tort. Quand seras-tu mort, quand seras-tu mort? Mesdames, qui voulez plaire, qui voulez avoir des confrères, n'ayez pas dans vos cabinets des perroquets, car les maris feront la guerre, surtout quand ils sont prévenus d'être cocus, d'être cocus. Du moment qu'ils n'en sauront rien, tout ira bien, tout ira bien. Du moment qu'ils n'en sauront rien, tout ira bien, tout ira bien. Voilà, perroquet.